Citron de Théodore Hannon, enregistré pour LibriVox.org. Citron. L'étal resplendissait aux flambes du matin. Les rougets, surchauffés, reflétaient leurs cinabres au ventre des turbots en robe de satin, et les saumons d'argent avaient l'éclat des sabres. Sur le marbre laiteux, les cabillauds camards s'allongeaient, lourds voisins de l'ablette irisée. Dans leur juste corps pourpre éclataient les homards, près de l'algue où bâillait l'huître vert de grisé. Mais les citrons surtout me charmaient, fruits joyeux, crevant comme un sein dur le fin papier soyeux. Leur parfum m'est plus doux que le parfum des fraises. Et longtemps j'aimerais leur contour séduisant, car devant les citrons effilés et luisants, je rêve aux tétins d'or pâle des japonaises. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.